الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله عز وجل، واعلموا أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قول الله سبحانه وتعالى بدو ببخزر بلد وضى الله سبحانه وتعالى كأسلوك الله سبحانه وتعالى أنتي ما لمانيتي أنتيير. Comme il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, nous vous avons ordonné ainsi qu'à ceux qui vous ont précédé le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibad Allah, يقول subhanahu wa ta'ala, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء ركنا من أركان الصلاة، سواء نفلها أو فرضها. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la traduction approximative du sens du verset, un verset que nous répétons, que ce soit dans nos prières obligatoires ou dans nos prières surrogatoires, guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Nous ne voulons pas être dans la voie de ceux qui ont couru ta colère, ni de la voie des égarés. Et ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'il soit un pilier de la prière surrogatoire ou obligatoire. فهذا الصراط المستقيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إياه وأن يثبتنا عليه. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ هذا الصراط المستقيم كما بينه أهل العلم هو الإسلام، وهو القرآن، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صحابة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا قالوا أنه هو الإسلام، فالله سبحانه وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإذا قالوا إنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فربنا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإذا قالوا إنه هو القرآن، فربنا يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإذا قالوا إنه الصحابة رضوان الله عليهم، فربنا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فطريق رضوان الله هو هذا الصراط المستقيم، هو هذا الصراط الذي كان عليه صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. فإن الله سبحانه وتعالى ستوان droit que nous demandons à Allah سبحانه وتعالى de nous rappeler dessus et de nous guider sur cette voie. C'est quoi cette voie droite? Les hommes de science lui ont donné plusieurs significations qui vont dans le même sens. Il n'y a aucune contradiction entre ces significations. C'est l'islam. La preuve, c'est quoi? Celui qui cherche une autre religion que l'islam, il ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ainsi, nous dit la traduction approximative du sens du verset. Et ils ont dit sur le Coran, c'est quoi la preuve? Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative, ce Coran guide vers la voie la plus droite. Ils ont dit aussi, c'est le messager. C'est quoi la preuve? C'est tout simplement, il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, certes, ô Muhammad, tu guides vers la voie droite. Ils ont dit, c'est les nobles compagnons, revoilà alayhim. La preuve, c'est quoi? L'autre verset, dans la traduction approximative, nous dit cela, les deux bonziers parmi ceux qui ont quitté la Mecque pour sauver leur religion, et les alliés, les auxiliaires qui les ont accueillis à Médine, pour faire triompher le messager d'Allah et pour faire triompher sa religion, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux et eux ils sont satisfaits de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. Ce qui veut dire que la voie pour être sauvée, la voie droite, c'est la voie sur laquelle était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons de Allah, qui n'est autre que la voie de l'islam authentique, que la voie du Coran et que la voie de la Sunna et la voie de notre messager alayhi salatu wassalam. فهذا الصراط المستقيم أهله لهم صفات ما هي صفاتهم قال سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم فهذه صفتهم هم منعم عليهم لكن لماذا هم منعم عليهم ومن هم هؤلاء المنعم عليهم يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فيقول الله سبحانه وتعالى nous demandons cette voie mais cette voie il a une caractéristique spécifique il dit dans la suite du verset la voie de ceux que tu as comblé de tes bienfaits c'est qui ce que Allah سبحانه وتعالى a comblé de ses bienfaits c'est quoi leur caractéristique c'est quoi leur voie c'est quoi leur comportement c'est quoi leur croyance qui sont-ils il est dit dans l'autre verset parce que le Coran s'explique par le Coran il est dit dans, le verset, dans l'autre verset dans le surat Nisa où la traduction approximative du sens nous dit cela ceux qui obéissent à Allah et aux messagers donc la sincérité et le suivi dans l'accomplissement de la religion ceux-là sont parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits hein qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux qui font la compagnie que la compagnie de cela. فماذا كان مع الأنبياء الذين هم رأس هذا طريق المنعم عليهم ورأس المنعم عليهم كان معهم الوحي من الله عز وجل وماذا مع الصديقين صدقوا الأنبياء بما بلغوه وعملوا به وماذا مع الشهداء كان مع الشهداء أن جاهدوا لتكون كلمة الله هي العليا وماذا مع الصالحين اتقوا الله سبحانه وتعالى فكل متق لله عامل بأوامر الله مجتنب لما نهى عنه الله سبحانه وتعالى فهو من المتقين قال الله سبحانه وتعالى cette catégorie que الله سبحانه وتعالى a conclue de ses bienfaits alors peut-être il y a les prophètes ils avaient quoi hein les prophètes ils avaient quoi la révélation que الله سبحانه وتعالى leur a révélée qui est la base de la science bénéfique. Les véridiques, ils ont quoi? Ils ont attesté la véracité de ce que les prophètes ont transmis. Ils l'ont mis en application comme leur ont enseigné les prophètes, alayhi salatu wassalam. Et après, bien, les martyrs, ils avaient quoi? Ils ont combattu pour que la parole de Allah soit la plus haute. Et les vertueux, les quatrièmes de la série, ils avaient quoi? Ils ont tout simplement mis en application le taqwa. Ils ont préservé les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont abstenus de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. إخوة الإسلام يجب أن نتنبه لأمر مهم هنا في هذه الآية وهو الشهداء. فليس كل من مات هو شهيد أبدا وليس كل من خرج في مظاهرات أو في اعتصامات وتوفي فهو شهيد أبدا. إخوة الإسلام الشهادة هنا هي التي تكون لإعلاء كلمة الله في جهاد شرعي وراء إمام وراء حاكم ووراء راية مسلمة ليس فعل الدواعش ولا فعل القاعدة ولا فعل بوكو حرام ولا ولا ولا ولا من هذه الطراهات ولا ما نراه اليوم من تخريب للأزقة في مدينة دكار وفي غيرها من المدن هذا من الإفساد في الأرض والله لا يحب المفسدين فهذه ليست من دين الله وليست من الجهاد في سبيل الله فلا نغتر بقول من يقول هذه من الجهاد في سبيل الله فهذا خطأ فاضح وكلام بغير علم واتباع لمن أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نخالفهم وعمل من أعمال الشيطان ومن أعمال الفساد ومن أعمال المفسدين قال الله سبحانه وتعالى دور فرسية il est cité les martyrs. C'est qui le martyr? Le martyr, frère Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas te leurrer, il ne faut pas te faire avoir par les beaux parleurs, hein? le martyr, c'est celui qui meurt pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Le martyr, c'est celui qui fait le combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière un drapeau, derrière un gouverneur, et selon d'un gouverneur, et non pas des mercenaires comme ceux de la Qaïda ou du Daesh ou de Boko Haram ou autres. Et ce n'est pas non plus le fait de sortir brailler dans les rues et casser tout ce qu'il y a dans les manifestations et dans les sittings. Ça, c'est de la corruption sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la corruption. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les corrupteurs. Il ne faut pas se référer en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui se passe autour de nous, dans la ville du Sénégal et autres, ceci, c'est de la corruption sur terre. Et ceci, c'est le fait de suivre la voie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de suivre. C'est le fait de suivre et de mettre en application la voie de ceux que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne faut pas les suivre. Hein? Il a dit, celui qui ressemble et qui imite des gens, il sera comme eux. C'est-à-dire, il sera châtié comme ils seront châtiés dans l'acte dans lequel il les a imités. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas s'envoyer dans la gueule du loup. Fa'alayna annatafattana ikhwat al-islam. La annulqiya bi anfusina fi tahluka. Wa la annulqiya ummatana fi tahluka. Wa la annajurra al-fadda. Ala ikhwanina wa akhawatina. Fa'un Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons faire très attention. Nous devons être doués de raison, nous sommes des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne devons pas entraîner notre communauté dans l'anarchie. Nous ne devons pas entraîner notre communauté dans un bain de sang. Nous ne devons pas entraîner notre communauté vers le fait que le sort soit violé, que les magasins soient pillés, que les biens publics soient saccagés et que les biens privés soient saccagés en plus. Man minna yaqbalu an tuhtasab ukhtuhu fi hadhihi al-mudaharat. من منا يقبل أن يكسر متجره وسيارته في هذه المظاهرات فالمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم Qui parmi nous accepterait que sa femme ou sa sœur soit violée durant ces manifestations? Qui parmi nous accepterait que son magasin soit pillé durant ces manifestations? Qui parmi nous accepterait que sa voiture ou sa maison ou les biens publics et les biens privés soient saccagés durant ces manifestations et ces sorties et cette anarchie dans laquelle il faut faire très attention à l'islam. Nous devons nous préserver et préserver nos sœurs, nos frères, notre pays, et l'anarchie dans laquelle on est, et la stabilité dans laquelle on est. La bouddha, ikhwat al-islam, anna kuna ta'aqqal fa'il, fa'da'ullah, yatarabbasoun. Wa la yuhibbuna an yastaqirra an yakuna lil muslimin astiqra. Fa'hum yastafizzoun, wa yajurruna al muslimina ila al halak. Faut pas oublier, frère Allah, subhanahu wa ta'ala, les ennemis d'Allah guettent, et n'aiment pas la stabilité dans les pays de l'islam. Et ils excitent, les excités et les emploient dans les rues, que ce soit directement ou indirectement, pour faire le pillage, pour faire l'anarchie et pour que le pays ne soit pas, ne vive pas dans la stabilité. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين عباد الله هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فيه الدروس والعبر وأنزل لكي نتدبره ونعمل به ونأخذ منه الدروس والعبر فلنتأمل إخوة الإسلام هذه حشرة صغيرة نملة صغيرة تأملوا ماذا تقول كيف تنصح أخواتها كي لا يدوسهم ويطحنهم سليمان وجنوده قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون تأمل أخ الإسلام حشرة تشفق على أهلها وإخوانها وتدعوهم إلى الدخول إلى بيوتهم لكي لا يقتلهم ويمر عليهم ويدوسهم سليمان وجنوده أين نحن من هذه الدروس أين نحن من هذه العبر أين نحن؟ فنملة تحج إخواتها على الحفاظ بحياتهم، ونحن اليوم نعيش بين أقوام يدفعون بشبابنا إلى الهلاك، يدفعون بشبابنا للاصطدام مع السلطة، يدفعون بالشباب إلى الاصطدام مع الجيش مع الشرط، يدفعونهم إلى الهلاك. صلى الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. هنا الله سبحانه وتعالى القرآن الله سبحانه وتعالى نزخ الفيلي il est descendu pour qu'on le médite, pour qu'on le médite, qu'on prenne les leçons et qu'on le mette en application. Méditez maintenant cette petite, ce petit insecte, cette petite, insecte insignifiant qu'on ne voit même pas, qui est la fourmi. Regardez comment il tient à la vie de ses sœurs. Regardez comment il tient à la vie de son peuple. Comme cela est cité dans le verset dont la traduction approximative nous dit cela. Une fourmi a dit, ô fourmi, rentrez dans vos demeures, de peur que Suleiman et ses armées vous écrasent sans s'en rendre compte. Regardez comment il a réagi. Le conseil qu'il a prodigué aux autres fourmis pour qu'ils rentrent dans leur nid, pour qu'ils ne soient pas écrasés par Suleiman et l'armée de Suleiman. Et nous, aujourd'hui, on vit au milieu de gens qui pousse notre jeunesse à sa perte, qui pousse notre jeunesse à devenir des chairs à canon, qui pousse notre jeunesse à créer l'anarchie, et à créer la zizanie, et à créer les troubles dans les villes. Et il pousse, on est bien au milieu des gens qui poussent notre jeunesse à quoi ? À se heurter avec l'armée, avec la police et avec tous les systèmes de sécurité du pays, au sommet de cette fourmi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam wajjahana ila sabr ala ulati al-umur wa in jaru wa in dharamu wa sta'talu bil amwal wa in akhadu huquqana an nasbir alayhim huwa man huwa huwa alladhi bu'ita rahmatan lil alamin falan yakuna basharun min al-bashar afdal minhu. Khana Allah subhanahu wa ta'ala le message d'Allah nous a orienté de patienter et d'endurer devant la tyrannie et l'injustice des gouverneurs. Même s'ils prennent notre argent, même s'ils s'accaparent des fortunes, même s'ils prennent le poste pour les leurs, pour leur famille, ainsi de suite. Il nous a ordonné de patienter et d'endurer. Il ne nous a pas ordonné de se révolter contre eux. Et qui est le messager d'Allah? Il n'a jamais parlé sur l'effet des passions. Mais ce n'est qu'une révélation qui lui a été faite. Et c'est celui qui connaît au mieux ce qui est bon pour les gens et ce qui n'est pas bon. An ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ra'a min amirihi shay'an yakrahu falyasbir fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran famata fi mitatin jahiliyah. Wa fi lafd man kariha min amirihi shay'an falyasbir فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. Écoutez frère, on a Allah subhanahu wa ta'ala ce hadith de notre message alayhi sallatu wassalam qui est un hadith authentique selon Abdullah ibn Abbas, Allah subhanahu wa ta'ala les agré. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala dit: celui qui voit que son gouverneur fait un mal, quelque chose de détestable, qu'il patiente, qu'il endure. Car celui qui se marginalise par rapport à l'unité, par rapport à la communauté, et qui ne voit plus qu'il a de l'obéissance à son gouverneur, s'il meurt dans cette situation, il meurt comme les gens de la période pré-islamique. C'est quoi la mort des gens de la période pré-islamique? C'est que les gens de la période pré-islamique ne voient pas de gouverneur, ne voient pas d'obéissance à un gouverneur, ni à un chef. Abadan. Et ceci est très dangereux. Et bien sûr, l'obéissance à nos gouverneurs, il est dans l'obéissance à Allah. Quand ils demandent de désobéir à Allah, on n'a pas. Il n'y a pas d'obéissance dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons faire très attention à l'islam. Car ceci est très dangereux. Et donc cela, dans le fait de sous-marginaliser, on devient la paroi du shaitan. On devient la paroi des manipulateurs qui vont nous manipuler comme ils veulent nous orienter comme ils veulent, ils vont nous orienter vers quoi? Vers le fait de créer l'anarchie et de faire couler le sang dans le pays. وعن عربجة رضي الله عنه أرضى الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمر جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه رواه مسلم. ولكن هنا القتل ليس الفوضى، هنا القتل للحاكم وليس لأي أحد، لأحد الناس أبدا. فالإسلام ليس دين فوضى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, selon dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, Arfaja al-Ashja'i a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, quand quelqu'un vient parmi vous, alors que vous êtes unis derrière un gouverneur, il veut vous diviser, tuez-le. Il veut vous diviser, tuez-le. Mais qui doit le tuer? C'est pas toi ni moi. C'est le gouverneur lui-même qui doit le tuer. C'est ceux qui ont le pouvoir. Dans l'islam, il n'y a pas d'anarchie. Il n'y a pas qui veut quelque chose, il l'a fait. Abedan. Abedan. Il n'y a pas d'anarchie. Mais regardez ce qu'a dit le messager al-Islam qui était envoyé à comme clémence à l'humanité. Hein? Il a dit quand quelqu'un vient pour vous diviser, vous éparpiller, éparpiller votre communauté, il faut que ceux qui ont le pouvoir s'en occupent. Hein? Et c'est à eux de s'en occuper. C'est pas à moi, c'est pas à toi, c'est pas à la masse musulmane de s'en occuper. Et ça, ce sont les enseignements du messager alayhi salam, qui n'a jamais parlé de ses propres passions. Wa ja'a fi wasiyati alayhi salatu wassalam ka'annaha wasiyatu al-muwaddi' qala في حديث العرباض بن سارية أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Il a dit عليه الصلاة والسلام donc le hadith que les compagnons de Allah عليهم considéraient comme l'exhortation d'Adieu. Ils l'ont demandé le conseil, il a dit je vous conseille le fait de préserver le droit d'Allah et d'écouter et d'obéir, même si c'est un esclave éthiopien qui vous gouverne. Car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Et la situation est comme il a dit, alayhi salatu wassalam. Regardez les divergences qu'il y a dans la communauté. Regardez le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a orienté vers quoi? Vers le fait, quand il y a des divergences, de faire quoi? De préserver les droits d'Allah. Et d'écouter et d'obéir. Avec le fait de préserver les droits d'Allah, on œuvre pour son au-delà. Et avec le fait d'oublier et d'écouter les gouverneurs dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, on préserve la stabilité dans notre pays et on préserve la paix dans notre société. Ce sont deux gros bienfaits vers lesquels le messager alayhi salatu wassalam a orienté la communauté. Et c'est notre devoir. Nous devons être ainsi. Avec la parole du messager et la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'obéir à nos gouverneurs de l'obéissance à Allah. Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u al-rasul wa uli al-amri minkum. Uli al-amr, al-ulama wa al-hukkam. Wa ta'atum takunu fi ta'ati Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné cela. Où vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez au messager. Il y a ceux qui détiennent le pouvoir sur vous, et ceux-là sont deux catégories. Les hommes de science, hein, et les gouverneurs. Et ceux-là, on doit leur oublier dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. وعن حذيفة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك فاسمع وأطيع. اسمع اسمعني الله كل خير اسمعني الله وإياك كل خير. Écoute الله سبحانه وتعالى مفاسي تفاسي كتي tout le bien. Regarde ce حذيفة dans ce hadith authentique. Il a dit que le Rasoul صلى الله عليه وسلم a dit Il va y avoir après moi des gouverneurs qui ne seront pas sur la même sunna que moi, qui ne seront pas sur la même voie que moi. Hein? Mais parmi vous va apparaître des gens dont les cœurs, ce sont des cœurs des shayatin, des cœurs de shayatin dans un corps humain. Hudayfa a dit, qu'est-ce que je dois faire dans ces cas-là, ya Rasulallah, si je vais à cette époque? Et il a dit, alayhi salatu wassalam, obéis au gouverneur. Écoute et obéis au gouverneur. Même s'il te frappe, même s'il te casse le dos en te frappant, même s'il prend ta fortune, tu dois écouter et obéir. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est châtié par un gouverneur ou là une injustice est commise, ça ne le concerne que lui, c'est particulier. Mais si il traîne les gens avec lui vers l'anarchie, l'anarchie, et le bain de sang va commencer à couler. Donc le Rasoul a arrêté le mal sur un seul individu. C'est-à-dire, s'il a pris ton argent, il t'a frappé, patiente, endure, et oublie, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, car ceci, ce n'est qu'une fitna particulière et spécifique. Mais si la fitna maintenant sort vers la communauté, là c'est beaucoup plus grave. Comme ils sont venus voir l'imam Ahmad rahimahullah, ils lui ont dit, on ne peut plus supporter ce gouverneur. Il faut qu'on sorte, il faut qu'on prenne les armes. Il leur a dit non. Non, je ne vois pas le fait de couler le sang. Non et non. Ils ont dit, mais la fitna, il m'a dit ceci, c'est une fitna particulière. Il ne concerne que certaines personnes. Pourquoi? Parce que s'ils sortent contre lui, et s'ils sont dans les manifestations, la situation va devenir plus grave. C'est plus une personne, c'est plus deux personnes, c'est tout un peuple qui va vivre dans l'anarchie, qui va vivre le bain de sang, qui va vivre dans les viols et dans le saccage des biens publics et des biens privés. Fasse Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yulhimana wa iyyakum rushdana, wa ij'alna wa iyyakum من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه أسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الحق وبالحق أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يحب ويرضاه وأن يجمعهم على التوحيد وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة التوحيد والسنة أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد السنغال من كل شر من كل فتنة ظاهرة وباطنة وسائر بلاد المسلمين أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لأموات المسلمين وأن يشافي مرضى المسلمين وأن يرد إليه ضال المسلمين ردا جميلا وأن يعافي مبتلى المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.